بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في الدرس الثاني وستين بعد المئة 162e leçon et nous sommes proches de la fin de ce livre بحمد الله تعالى ثم قال المؤلف حفظه الله تعالى في سؤال الثاني وتسعين وأربعمائة وألف 1492e question ما أجر من فرج عن مسلم كربة أو ستر عليه عيبة Quelle est la récompense de celui qui soulage le musulman d'un tourment, d'un souci, ou qui le cache, qui lui cache son défaut à cette dunya. Le hadith Ibn Omar, radiallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il dit « Man farraja un muslimin karbatan farraja Allahu anhu, biha karbatan min kurub, min kurub yom al-qiyama, wa man satara musliman satarahu Allahu yom al-qiyama, muttafaqun alayhi » Que celui qui soulage un muslim d'un tourment dans ce bas monde, Allah le soulagera des tourments du jour de la résurrection. Donc cela aide, alhamdoulilah, à soi-même en pouvant en profiter le jour où cela est encore plus important. Et autre chose, celui qui cache les défauts de son frère en ce bas monde, Allah cachera les siens le jour de la résurrection. Maintenant, cacher les défauts de son frère, il y a un tafsil, il y a un détail sur la question, ce n'est pas dans l'absolu. Car il y a des défauts qui nuisent aux gens. Il y a des défauts qui nuisent aux gens. Donc à ce moment-là, quand ça nuit aux gens, et qu'il a besoin de le dire, pour que les gens soient épargnés de ce mal, il faut le dire de façon correcte. Maintenant, quand ce mal ne touche que la personne, le frère en lui-même, ça ne concerne pas les gens, là où il faut le cacher. Un exemple, on le sait souvent, par exemple, tu entends qu'il y a un frère, par exemple, je sais pas, moi, il fait des péchés, en secret, par exemple, il fume. Une fois, tu as vu qu'il fumait. Par exemple, c'est pas la peine d'aller dire à tout le monde que Fulani fume. Tu le conseilles, tu le caches, car ce mal ne le touche que lui. Par contre, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui vole, quelqu'un qui escroque, dont le mal touche les autres, là, c'est pas pareil. D'accord ? C'est pas pareil. Donc, bien comprendre le hadith, qu'est-ce qu'il veut dire par là. « Thumma, qala fi suwa l'athari soit tisain ou arbamia ou alf » 1493e question. Ma haqqul muslim ala al-muslim, quel est le droit du muslim sur le muslim? Comme dans le hadith de Abu Huraira radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala haqqul muslim ala al-muslim sitt, que les droits du muslim sur le muslim sont le 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, il lui fut dit quels sont ces droits? Il dit idha laqiyahu fa sallama alayhi, que s'il le rencontre, il passe salam. Et en réalité, le droit n'est pas de passer salam, mais c'est de rendre le salam, car passer le salam en soi n'est pas obligatoire. D'accord, c'est mustahab. Par contre, ce qui est obligatoire, c'est de rendre le salam à celui qui te l'a passé. Ou c'est da'aka fa'ajibhu, que si un ami t'invite, tu dois lui répondre à l'invitation. Fa'izin stansahaka fa'ansah lahu. Si un ami te demande conseil, alors conseille-le. Ou c'est atasa fa'hamid Allah fa'shamithu. Que si un ami il éternue et qu'il dit alhamdulillah, toi tu dois lui dire yalhamukallah, obligatoirement. Et ça le tashmit. Ou il est marida, fa'uduhu, que si tombe malade, tu dois lui rendre visite. Et ça, c'est un fort qui est kifaï, c'est-à-dire c'est une obligation commune. Si certains s'en chargent d'un nombre suffisant, cela reste n'est plus obligatoire pour les autres. D'accord. Maintenant, si personne ne l'a fait, tout le monde prend le péché. Donc, rendre la visite aux malades n'est pas une obligation individuelle, mais commune. Et kazalik. Et que si jamais il meurt, alors tu dois suivre sa janaza. Et ça, c'est la même chose. Parce que la janaza, c'est une chose qui est une obligation commune et non pas individuelle. Donc, ça, ce sont les 6 droits qu'il faut rendre aux musulmans. 1494e question. Que doit faire celui qui a été invité à un repas de noces alors qu'il jeûne? قال في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم رواه مسلم. Donc il a dit que si l'un d'entre vous est invité à une walima, alors qu'il réponde à l'appel, et que si jamais il jeûne, alors qu'il invoque pour celui qui l'a invité et qu'il s'excuse, mais il invoque pour lui. Et que si jamais par contre il n'est pas jeûneur, alors qu'il mange. ثم قال في سؤال 95 و400 ألف 1495 question. ما فرض الاجتماع في بيوت الله لقراءة القرآن والتدارسه تدارسه Quel est le mérite justement de se réunir dans la maison d'Allah, dans les masajid, pour lire le Coran et pour l'étudier? Et quand on étudie le Coran, cela équivaut à étudier tout ce qui est relatif au Coran comme science légiférée. Tout cela rentre dedans. Que ce soit le nahu, que ce soit dans le fiqh, que ce soit dans la aqidah, que ce soit dans le tafsir, que ce soit dans usul fiqh, que ce soit dans autre, tout ce qui est lié aux sciences légiférées qui amène à comprendre le Coran, tout cela rentre dedans. قال في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وغشيتهم الرحمة وخفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم. Il est dit qu'il n'y a pas un peuple qui ne se réunisse dans les maisons d'Allah pour lire le Coran, pour l'étudier entre eux, sans que ne descende sur eux la paisibilité, la quiétude, et que les anges, et que la miséricorde les recouvre, et que les anges les entourent, et que Allah les cite auprès de ceux qui sont auprès de lui. Donc là, c'est le mérite qu'il y a de faire Talab al-Ilm, la recherche de la science dans les masajids. Car c'est ça la base. Ce n'est pas dans des écoles, ce n'est pas dans des instituts, ce n'est pas dans les universités, ce n'est pas dans tel ou tel endroit. La base, c'est que cela se fait où? Dans le masjid. Et c'est là qu'il y a le plus de baraka, ça a été constaté. Et c'est là qu'il y a le plus de récompenses à tirer également. Comme le prouve ce hadith. D'accord? Maintenant, ce n'est pas limité au masjid seulement, mais c'est le lieu qui est prioritaire pour cela, et c'est dans le lieu qui est le plus approprié pour cela. ثم قال في السؤال السادس والتسعين وأربعمائة ألف 1496 question. إذا كان المسلم محافظا على الأعمال الصالحة ثم مرض فكم يكتب له؟ Il a dit, si jamais le musulman, 1496e question, si le musulman a toujours été régulier dans ses actes d'adoration, constant, d'accord, puis il tombe malade, qu'est-ce qui lui est écrit? C'est-à-dire, le fait qu'il tombe malade, il ne pourra pas remplir ses mêmes actes comme il le faisait auparavant. Donc c'est quoi la compensation pour lui? Dans le hadith de Abu Musa al-Ash'ari, radiallahu anhu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا رواه البخاري الحمد لله. Donc il dit, si jamais le muslim, le serviteur, tombe malade ou qu'il voyage, il lui sera écrit tout ce qu'il faisait lorsqu'il était résident et en bonne santé, rapporté par un muslim. Et je sais que ce hadith là, il y a une partie qui a été remise en question, même s'il est rapporté par le Bukhari, il y a une partie du hadith qui a été remise en question. Quoi qu'il en soit, le sens reste correct. Le fait que tu es excusé, ta récompense était quand même écrite, car tu avais l'habitude de faire cela. ثم قال في السؤال التاسع والتسعين وأربعمائة ألف 1499 question. أربع خصال إذا اجتمعت في رجل في يوم دخل الجنة. Qu'il y a quatre caractéristiques ou quatre faits que lorsque l'homme les regroupe en une seule journée, il entrera au paradis. Quelles sont-elles? Ce sont celles qui ont été citées dans le hadith d'Abu Huraira, parmi ce qu'a accompli Abu Bakr al-Siddiq radhiyallahu anhu. Quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, man asbaha minkum al-yawm sa'ima. Quand Abu Bakr ana, il a dit, qui d'entre vous aujourd'hui est jeûneur? Abu Bakr l'a dit, moi. Après, il a dit, faman tabi'a minkum al-yawm janaza. Quand Abu Bakr ana, il a dit, qui d'entre vous aujourd'hui a suivi une janaza? Abu Bakr l'a dit, moi. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا قال أبو بكر أنا. Il a dit, qui aujourd'hui d'entre vous a nourri un pauvre? Abu Bakr, il a dit, moi. قال فمن عاد منكم اليوم مريضا, qui d'entre vous a rendu visite à un malade aujourd'hui? قال أبو بكر أنا. Abu Bakr, il a dit, moi. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة رواه مسلم. Il a dit que tous ces points-là ne sont pas rassemblés en un homme sans qu'il rentre au paradis. Donc regardez le fadl d'Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Et là, il n'a pas dit ana par vanité ou réel zalika. Il a été interrogé, il a répondu. Le Nabi sallam a demandé, il a répondu. Sans quoi, à la base, le musulman préserve ses œuvres. Mais il a été interrogé pour une raison particulière, justement pour qu'il y ait une hikmah qui en soit extraite pour enseigner, inculquer aux gens qu'en est-il de celui qui fait tout cela en une journée. Mais une fois, j'avais interrogé certains de nos mashayikh à Adam Medj par rapport à ce hadith. Il a dit ce n'est pas le fait de l'avoir fait une seule fois dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui est habitué à faire cela à la base. Donc son habitude fait qu'il est tombé sur un jour où tout s'est réuni. Quelqu'un qui est habitué de jeûner, quelqu'un qui est habitué de suivre les janazas, quelqu'un qui est habitué de nourrir les pauvres, et quelqu'un qui est habitué de rendre visite aux malades. Et un jour tout cela s'est réuni entre paradis, mais quelqu'un qui ne le fait jamais, et un jour par exemple il est tombé malade, ou plutôt un jour il s'est mis à jeûner par exemple, et ça a coïncidé avec qu'un frère qui connaisse tombe malade, qui a rencontré un pauvre en chemin, qui est une janaza, il fait tout en un jour, et après il ne le fait plus jamais, il ne l'a jamais fait auparavant, il a dit que ce jugement ne le concerne pas. Forcément, du moins. Ne le concerne pas forcément. Il a dit ça, c'est pour des gens qui sont habitués à faire ce genre d'actes. Ah ben. Fuma Korala Fisoel, Al-Wahl ou Khamsumia, Bad Elf, 1061e question. Ma for le man Ada Maridan, quel est le mérite de celui qui rend visite à un malade? في حديث ثوبان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع que celui qui le musulman qui va rendre visite à son frère qui est malade qui ne cesse d'être dans un jardin du paradis jusqu'à ce qu'il revienne rapporté par un musulman qui est dans un jardin du paradis au moment où il visite hein, le malade. ثم قال في السؤال الثاني وخمسمية وألف 1500 deuxième question ماذا تفعل إذا عدت مريضا que fais-tu si tu rends visite à un malade qu'est-ce qu'il faut dire il y a des doigts à faire et parmi ces doigts comme le hadith de Anas قال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد مريضا لم يخدر أجله فقال عنده سبع مرارا ومرار أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عفاه الله من ذلك المرض. Qu'il a dit celui qui rend visite à un malade dont le décès n'est pas encore parvenu, c'est-à-dire qu'il n'est pas mort, qu'il lui dise cette fois, أسأل الله العظيم, je demande à Allah le très grand, on dit comme ça العظيم, رب العرش العظيم, le Seigneur de l'arche immense, du trône immense, qu'il te guérisse. أن يشفيك. Et s'il fait cela avec ikhlas comme ses doigts, la personne sera guérie de cette maladie. Rapporté par Abu Daoud. Également, parmi les choses qu'on peut dire aux malades, comme dans le hadith de Abbas, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a rendu visite à un bédouin qui était malade, il le dit, la abbas tuhurun insha'Allah. Rapporté par le Bukhari. Il ne dit pas de mal que cela est une purification pour toi, c'est-à-dire des fautes et des péchés, cette maladie. Et ça, on a déjà cité auparavant. ثم قال في السؤال الثالث وخمسمية وألف 1503 question ما هو الكبر qu'est-ce que l'orgueil dans le hadith de Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر que ne rentrera pas au paradis un homme qui aura un grain de moutarde ou un grain d'atome d'orgueil dans son cœur. Et quand tu veux dire qu'il n'entrera pas au paradis, il n'entrera pas parmi les premiers. D'accord ? Et l'orgueil peut être grand, peut être même aller jusqu'à refuser l'islam. Wa qala rajulun inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasana wa na'luhu hasana. Qala inna Allah jamil yuhibbu al-jamal. Al-kibru bataru al-haq wa ghatmu an-nas. Rawahu Muslim. Et qu'un homme, quand j'ai entendu ce hadith-là, il a dit l'homme aime avoir de beaux vêtements et avoir des chaussures propres. De bonnes chaussures. Dans le sens, est-ce que cela est de l'orgueil? Nabi Sallam, il a dit que Allah est beau et aime ce qui est beau. Il aime la beauté. L'orgueil, c'est le fait de rejeter la vérité et de mépriser les gens. Tu rejettes la vérité et tu méprises les gens. Ah, c'est ça l'orgueil. Et des gens orgueilleux, on en trouve dans toutes sortes de personnes. Et le pauvre orgueilleux est pire encore. Comme dans Ahadith est venu. Celui qui est pauvre et qui en plus est orgueilleux, son péché est plus grave encore. Naam. Fanaktafi bi hadha al-qadr al-yawm wa alhamdulillahi rabbil alamin.